passées. Salis, salis les poumons frisés. Quand tu souris et quand tu ris, oui, moi je vis. Mais là, je crois.